بسم الله الرحمن الرحيم. تبت يدا أبي لهب وتب. Au nom d'Allah, le tout clément, le tout miséricordieux. Que périssent les mains d'Abu Lahab et qu'il périsse lui-même. ما أغنى عنه ماله وما كسب. Rien ne lui serviront ses richesses, ni tout ce qu'il a acquis. سيصلى نارا ذات لهب. Il brûlera dans un feu aux flammes incandescentes. وامرأته حمالة الحطب. Ainsi que sa femme, porteuse de bois mort. في جيدها حبل من مسد. Et portant au cou une corde de fibre tessée.